Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 111. De la dissimulation et de l'hypocrisie. Définition de la dissimulation. Son identité avec l'hypocrisie. Si l'hypocrisie est un péché mortel. 1. Toute dissimulation est-elle un péché ? La dissimulation, qui exprime, par des faits employés comme signes, le contraire de ce que l'on pense, est toujours contraire à la vertu de la vérité par laquelle on paraît au dehors tel que l'on est dans son âme. Elle est un mensonge énoncé par des faits, donc elle est un péché. Note. Ne confondez pas la dissimulation avec la fiction ou l'action figurative qui s'emploie pour exprimer quelque chose de vrai. La dissimulation ne signifie rien de réel, elle est un mensonge. Qu'il soit souvent permis de taire ce qui est, du moins ne l'est-il pas d'exprimer, soit par la parole, soit par des faits, ce qui n'est pas. Toutefois, quoique le prophète ait blâmé ceux qui publient hautement leurs péchés comme Sodome, Isaïe 3:9, ce n'est point en soi un acte de dissimulation que de cacher ses fautes, de peur qu'il n'en résulte du scandale. Fin de la note. 2. L'hypocrisie est-elle la même chose que la dissimulation ? L'hypocrite, a dit saint Isidore, est un homme dissimulé qui veut paraître bon au dehors, tandis qu'au dedans il est mauvais. Il a reçu son nom du travestissement des acteurs qui se peignent le visage de diverses couleurs pour simuler le personnage de leur rôle, et qui paraissent sur la scène tantôt sous les dehors de l'homme, tantôt sous ceux de la femme, afin de faire illusion au public. Saint Augustin ajoute, de même que les comédiens représentent des personnages qu'ils ne sont pas, que, par exemple, celui qui joue le rôle d'Agamemnon n'est pas Agamemnon, de même l'hypocrite, qui, dans les églises et dans le monde, veut paraître ce qu'il n'est pas, prend les dehors de l'homme juste, auquel il est bien loin de ressembler. Pour conclure, l'hypocrisie est une dissimulation par laquelle le méchant, feignant d'être un homme de bien, joue un personnage qu'il n'est pas. Note. L'hypocrite, alors même qu'il accomplit en réalité quelques bonnes œuvres, dans le but de montrer sa prétendue sainteté, simule toujours une intention droite qu'il n'a pas, en faisant semblant de servir Dieu, il ne sert que le monde. Les hypocrites, nous dit l'Évangile, font toutes leurs bonnes œuvres pour être revus des hommes. Matthieu 23, 5. Fin de la note. 3. L'hypocrisie est-elle contraire à la vertu de vérité ? L'hypocrisie, dissimulation par laquelle on joue un personnage que l'on n'est pas, est directement contraire à la vertu de la vérité, par laquelle on se montre, dans ses paroles et dans ses actes, ce que l'on est. Note. L'hypocrite ne se met point en opposition formelle avec la vertu, dont il revêt les apparences sans en rechercher la réalité, mais sa conduite est directement opposée à la vertu de la vérité, en ce qu'il veut tromper par de faux dehors. Fin de la note. 4. L'hypocrisie est-elle toujours un péché mortel ? Entendez-vous par l'hypocrisie la disposition d'un homme qui veut tout à la fois paraître et n'être pas saint ? Elle est assurément un péché mortel. Les hommes de ce caractère sont réprouvés dans l'Écriture, où on lit « Les cœurs doubles et dissimulés provoquent la colère de Dieu » Job 36, 13. Et encore, « Les hypocrites ne viendront pas en sa présence » Job 13, 16. Appelez-vous hypocrisie l'intention de simuler la sainteté, après l'avoir perdue par un péché grave, celle-ci étant tantôt mortelle, tantôt vénielle, suivant la fin qu'on se propose, laquelle peut être ou n'être pas contraire à la charité. Veut-on, par exemple, en feignant la sainteté, propager une fausse doctrine, obtenir une dignité ecclésiastique dont on est indigne, se procurer des biens temporels dans lesquels on met sa fin, le péché est mortel. Mais, lorsque la fin qu'on a en vue ne répugne pas à l'amour de Dieu ou du prochain, le péché est véniel, ce qui a lieu lorsque l'on feint pour feindre, et que, comme s'exprime le philosophe, on est vain plutôt que méchant. Note. L'hypocrisie, en ce dernier cas, rentre dans le mensonge, qui n'est pas toujours un péché mortel. Il arrive parfois aussi que l'on simule une sainteté parfaite qui n'est pas de nécessité de salut, une telle feinte n'est pas toujours un péché mortel, ni une preuve de l'état du péché mortel. L'intention de paraître bon n'est pas opposée par elle-même à la charité. Le désir même de la vaine gloire n'implique pas nécessairement le péché mortel. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.